Bon, à soir, on s'attaque au drame humain, drame cosmique. On va lire la petite explication pour nous gronder un petit peu avec la conférence. Telle une immense toile d'araignée, la trame cosmique est dessinée, et telle de fines gouttelettes de rosée, l'homme coule sur cette toile n'ayant d'autre alternative que d'en suivre les fils. Qu'est-ce que le drame de l'humanité sur cette toile cosmique et qui est l'araignée? Je pense qu'avec un titre de conférence comme ça, on va toucher tout ce qui a trait à la manipulation, le libre arbitre qu'on a pu avoir dans d'autres conférences. Bonsoir Daniel, en passant. Le drame. J'avais pas remarqué que c'était là. Le drame humain, drame puis trame. On a deux mots qui sont quand même. Si on regarde une pièce de théâtre, des fois, le drame est joué par les acteurs, mais la trame, c'est un peu le texte qui est tout écrit, les décors, les costumes, etc. Tu sais, tout ce qui est en arrière, dans l'ombre de la scène. Mais par contre, qui est très important. Chez l'homme, ce drame humain-là, quoi t'as envie de nous livrer à soir sur le drame humain? Bon, premièrement, on n'ira pas aussi haut que, du moins, je veux pas aller aussi haut que les dernières conférences pour permettre au public en général de pouvoir suivre un peu plus les relations entre la trame, le drame et l'araignée. C'est un sujet qui est extrêmement important. Alors, de temps en temps, c'est possible qu'on aille grimper dans les cieux, mais disons qu'on va essayer de rester terre à terre. C'est sûr que le fait de connaître la trame. C'est-à-dire que l'être humain, en général, croit avoir un libre arbitre, croit pouvoir décider lui-même de sa vie. Et c'est ce qui amène l'individu à vouloir continuellement se transformer. C'est ce qui amène l'individu à vouloir s'améliorer et à vouloir améliorer sa vie, donc changer. Changer sa vie, changer de métier, changer tout ce qu'il a. Maintenant, vous savez très bien que si vous perdez un bras, vous ne changez pas grand-chose après ça. On a des prothèses. Maintenant, la prothèse, elle va avec l'époque d'évolution. À l'époque des Romains, les prothèses, on n'en avait pas. La trame cosmique, c'est simplement un plan qui permet à des êtres involués de pouvoir évoluer. Qu'est-ce que l'involué et qu'est-ce que l'évolué? Chez l'être humain, l'évolution a été l'apanage des snobs. L'apanage de ceux qui avaient l'impression d'être plus haut. Haut en termes de classe sociale, haut supérieur par-dessus. Maintenant, l'ésotérisme qui employait le même langage que l'être humain de la rue pour s'exprimer, quand il parlait de haut, parlait évidemment de la hauteur de vibration, c'est-à-dire surtout de la vitesse vibratoire. Alors, l'individu qui est involué est donc un individu qui a en moyenne, donc la moyenne de toutes les vibrations de ses corps, et il en a quatre planétaires, un corps mental, un corps astral psychologique, un corps vital, la vie et un corps physique. La moyenne de son taux vibratoire fait qu'il a un taux vibratoire bas. Donc, il n'est pas évolué par rapport à l'individu qui a un taux vibratoire haut. Maintenant, il n'y a pas de snobisme ésotérique chez l'initié. Tu es plus évolué en ce sens que ton taux vibratoire est supérieur à un autre. De par ce fait même, tu vas être capable d'entrer en relation avec des énergies qui vibrent plus haut. Et l'individu qui a un taux vibratoire vibrant bas, lentement, dense, plein matériel, ne peut pas entrer en communication avec des énergies supérieures qui vibrent plus rapidement. Alors donc, ésotériquement parlant, tu es évolué. Et l'ésotériste est extrêmement raciste. Je suis raciste. Dans le racisme des initiés ou ésotériques, dans le racisme fondamental du plan qu'on peut appeler plan divin, mais disons que Dieu n'a rien à foutre dans ce plan-là, pas le Dieu que l'homme connaît, dans la trame cosmique, il y a un racisme, il y a ceux qui savent, donc ceux qui, dans un contexte d'évolution comme celui de la planète Terre, par exemple, connaissent des choses, savent. Il y a ceux qui sont susceptibles de savoir, donc ceux qui ont un plan vibratoire qui est en progression et qui est suffisamment élevé pour pouvoir être accroché, pour pouvoir s'agripper aux vibrations de ceux qui savent. Et il y a ceux qui représentent le reste, qui sont le fondement même de l'évolution des races pour permettre à l'intérieur d'une race d'avoir une élite qui va faire partie de ceux qui est susceptible de savoir. Donc, je m'adresse à ceux qui sont susceptibles de savoir et ceux qui ne peuvent pas savoir, évidemment, n'ont rien à faire avec moi. Maintenant, la majorité du public qui est susceptible de savoir, c'est un public, évidemment, qui va se déplacer pour savoir, et le public, l'extérieur, c'est-à-dire le reste de ceux-là, c'est un public vers lequel on ne doit jamais se déplacer pour leur montrer. Tout à l'heure, je vous parlais des pertes d'énergie et d'économie d'énergie. Alors, vous déplacez pour aller enseigner à des individus qui ne peuvent comprendre, c'est une perte de temps. Et de ce fait même, vous risquez juste de rabaisser votre taux vibratoire pour perdre vous-même la connaissance. Alors, vous allez perdre ce que vous avez et tout ce que vous auriez pu avoir. La trame, c'est un plan. Un plan, ce n'est pas un plan dans le sens psychologique humain, c'est-à-dire que ce n'est pas un plan tracé par un désir de Dieu, un désir d'une forme d'énergie. Ce sont simplement des relations et des conséquences à l'intérieur de relations, c'est-à-dire qu'une chose est là, une chose est là, si de par leur formation, de par la matière qui les anime, elles s'attirent, il y aura attraction, si elles se répulsent, il y aura répulsion, si elles sont neutres, elles ne bougeront pas. Et ce n'est pas un désir d'attraction. Tu es attiré ou tu n'es pas attiré, mais ce n'est pas toi qui le désires. L'être humain qui aime croit aimer. Et je désire cette chose, donc je suis attiré par cette chose. Non, en réalité, l'être humain est attiré par quelque chose, et de ce fait, croyant qu'il se manipule lui-même, il va transformer cette attraction en une espèce d'idéal qu'il appelle désir. J'aime cette femme ou j'aime cet homme, donc je vais aller vers lui. Mais en réalité, tu vas vers lui parce qu'il y a attraction, et cette attraction-là est indépendante de toi et de tes foutus désirs. Tu y vas parce que tu n'as pas le choix d'y aller. Quand vous aimez quelqu'un, vous n'avez pas le choix de l'aimer ou de l'haïr. Vous pensez que c'est vous qui déterminez vos goûts. Non. Certains individus aiment le rouge, d'autres ne l'aiment pas. Et ce n'est pas tributaire de l'individu. L'individu ne détermine rien. L'individu est manipulé. L'individu suit des chemins, comme la goutte d'eau sur la toile d'araignée. Voyez-vous, l'important même de comprendre, l'importance de comprendre ce qu'est la trame cosmique, oui, c'est simplement le fait d'arriver à un moment donné à arrêter de vouloir prendre des décisions pour décider de sa vie. La planète Terre est recouverte de chemins asphaltés. La planète Terre est recouverte de chemins de terre, de chemins de gravier, de chemins d'eau, des rivières, des fleuves, que les bateaux vont emprunter. Si vous êtes en auto, vous allez vous promener sur les chemins d'asphalte ou sur les chemins de terre, sur les chemins de neige ou sur les chemins qui ont été déblayés. Tous les humains ont le choix de se promener en véhicule sur les chemins. Et il n'y a de chemin que ce qu'il y a sur la planète Terre. Alors toi, tu n'as pas des chemins différents des miens. On a tous le même choix de chemin. Si on regarde la ville de Montréal, il y a le boulevard métropolitain, le boulevard des Carrés, l'autoroute Ville-Marie, l'autoroute Louis-Hippolyte Lafontaine, qui sont, disons, un quadrilatère de voie rapide, qui couvre le centre-ville de Montréal et qui le contourne. Si on prend une carte de la ville de Montréal, on la dépose, eh bien ça, c'est la trame. Et les automobilistes ne peuvent voyager en auto que sur cette trame, que sur ces chemins. Ils n'ont pas le choix. Mais ils ont le choix du chemin qu'ils vont prendre à l'intérieur du choix imposé. Et ça, c'est très, très important d'en voir la différence. L'individu qui décide de couper court par là parce qu'il décide qu'il manipule lui-même sa vie, il se ramasse dans le fossé, dans les champs, dans la rivière, et puis il souffre. L'individu qui reste sur le chemin asphalté ou sur le chemin de terre va selon ce qu'il peut aller. Maintenant, l'être humain, l'automobiliste, a un véhicule. Un Jeep, un 4x4, un quadrimotrice, un immense tracteur, un camion, une petite mini Austin, un bébé Austin. Il a un char, une auto, un véhicule. Vous n'avez pas le choix du véhicule que vous voulez. Vous en avez un présentement, vous n'en avez pas. Donc, vous avez le choix du véhicule, de l'autobus ou de vos pieds, ou du taxi. Mais à travers les choix, taxi, autobus, pieds ou etc., c'est limité. Vous n'êtes pas venu ici ce soir en avion réaction, en hélicoptère ou en soucoupe volante. Donc, dans votre choix, vous n'avez pas le choix. Et si vous avez présentement une auto qui s'appelle une mini Austin et que vous voulez traverser un banc de neige de 6 pieds de haut, soyons plus terre à terre, de 6 pouces de haut, ben vous allez rester pris dedans. Si vous avez un 4x4 qui se tient debout, ben, disons jusqu'à 2 pieds et demi, 3 pieds de neige, vous allez passer. Ça veut des pneus en conséquence. Mais si vous avez encore vos pneus d'été sur votre quatre roues motrices, ben vous n'avez pas le choix, quand le banc de neige est en avant de vous, de décider si vous restez pris ou non. Alors, vous prenez un chemin déblayé, comme tout le monde, ou un chemin qui est 6 pouces de neige. Vous contournez le mini-ostin, puis vous en allez chez vous, mais vous n'allez pas essayer de traverser un banc de neige de 2 pieds de quand je dis un banc de neige, disons, un chemin qui est recouvert de 2 pieds de neige. Moi, j'ai déjà fait avec mon Jeep, j'ai fait que j'arrête 2 fois pour pelleter mon moteur. Alors, ce qui fait que, disons que quand on a un véhicule qui roule, ça va, mais quand on a un véhicule, que la neige rentre toute dans le moteur, à un moment donné, on n'a plus de courant électrique. Tout est court-circuité. Alors, on pèle dans le moteur, puis après ça, on continue. La trame, elle est décidée. Le drame de l'homme, c'est d'avoir une mini-ostin et de vouloir traverser les bancs de neige, non pas de 6 pouces, mais de 2 pieds. C'est d'avoir un Jeep et de vouloir faire le tour de la Terre sur les autoroutes. Et laissez-moi vous dire qu'une bonne auto, c'est mieux pour rouler sur une autoroute qu'un Jeep. L'individu qui a un 4x4 veut faire de l'autoroute. L'individu qui a une Rolls-Royce impeccable veut faire du tout-terrain. Alors, ce qui fait que le drame de l'homme, c'est que l'homme a un véhicule au départ, votre corps physique. Vous pouvez mettre des meilleurs pneus sur votre véhicule. Vous pouvez améliorer votre corps physique. Vous pouvez rendre plus confortable votre véhicule. Vous pouvez encore une fois améliorer votre corps physique. Mais l'individu s'occupe beaucoup plus de laver son véhicule que de mettre des pieds d'hiver quand la neige tombe. Alors, l'individu a un corps physique qui est saillant, qui paraît beau. On s'occupe de l'esthétique du corps physique, mais on ne s'occupe pas de la santé réelle du corps physique. Alors, ce qui fait qu'on a un véhicule, et ce véhicule-là, ben on l'a. On peut l'adapter. Mais ce véhicule ne peut passer que sur certains terrains, que sur certaines routes. On va tout à l'heure revenir à l'explication psychologique de tout ça dans le vécu de l'homme. Disons que présentement, c'est un très bon parallèle. Alors, ce qui fait que l'individu décide, avec son auto, de couper à travers champ. Mais son mini-ostin reste pris, sa Toyota reste pris, son Ford reste pris. Le véhicule qu'il a, s'il n'est pas adapté au terrain, reste pris. On a, sur les chemins de la planète Terre, on a tous le même choix de chemin. Mais il se trouve, vous avez dû remarquer, que tout le monde ne se trouve pas en même temps sur la même route. Il y en a un avec son bébé Austin qui prie dans un chemin plein de neige. Il y en a un qui a un 4x4 et qui roule dans le chemin de neige, puis lui, il a du fun. L'autre, il n'y a pas de fun du tout. Il y en a un qui est sur une autoroute en panne d'essence. L'autre est sur la même autoroute, pas de problème, le réservoir est plein. Mais il y en a évidemment qui sont en plein désert du Sahara, qui recherchent le chemin, qui n'ont plus d'essence, le toit décapotable refuse de s'ouvrir, ils ont bu toute l'eau du radiateur, et puis là, ils se demandent qu'est-ce qu'ils font là. Les chemins sont là pour tout le monde. Pourquoi toi, avec ton auto, tu as brisé ta suspension dans un chemin plein de trous, alors que moi, avec un autre auto, j'ai passé sur une autoroute parfaitement pavée? Tu avais le même choix que moi, mais toi, tu as choisi. Et c'est le drame de l'homme. On a tous les mêmes choix au départ. On a des corps physiques qui sont très malléables et qui sont facilement adaptables à n'importe quelle condition de vie. Évidemment, si vous me parlez des Éthiopiens, je ne m'adresse pas à ceux qui vivent en Éthiopie. Je m'adresse à vous autres. À partir de votre naissance, vous avez un véhicule. C'est à vous d'y mettre des pneus d'hiver lorsque la neige tombe et de les ôter lorsque l'été revient, de vérifier l'huile, de vérifier l'essence, de vous arranger pour qu'il ne rouille pas trop vite, de vérifier à ce que la manière vous allez l'employer, ça n'entraînera pas une usure mécanique trop rapide. Mais je pense qu'on s'occupe très mal de son auto, mais je pense qu'on s'occupe mieux de son char que de notre corps, encore. On a un véhicule et on a des chemins. Qui ici est pauvre? On sait à nos intéressés que c'est un péché d'être pauvre. Parce que ça limite l'expressivité de l'être humain. L'être humain ne peut pas s'instruire, l'être humain ne peut pas s'éduquer, l'être humain ne peut pas jouir de la vie. Quand je dis jouir de la vie, je ne parle pas juste du plan psychologique, mais je parle de tous les plans. Le corps physique a besoin de gymnastique. T'as pas d'argent pour jouer au tennis, t'as pas d'argent pour t'acheter un suit de jogging. Bon, ben t'as même pas d'argent pour te mettre des bas d'un pied. Ben ton corps physique en souffre. Alors, ce qui fait que c'est réellement un péché que d'être pauvre. L'individu même qui a des choix, l'individu a le choix de choisir d'être heureux ou d'être malheureux. C'est dur à comprendre pour l'individu qui est malheureux parce que l'individu qui est malheureux ne peut pas, vu qu'il est extrêmement intelligent, il ne peut pas admettre qu'il s'est trompé dans son choix. Donc, c'est bien malgré lui qu'il est malheureux. Tous les accidents que vous avez eus, si vous observez comme il faut, Vous n'avez pas le choix de les éviter, c'est un fait. Mais vous avez le choix en maudit de vous en aller vers l'accident ou de ne pas y aller. Deux jours avant, une heure avant, 15 minutes avant. Mais ce choix-là, vous ne l'avez pas fait. Vous étiez pressé. Vous avez donc pris le choix de partir rapidement. Vous avez un accident. Vous n'avez pas choisi l'accident. Moi, je m'arrange pour vivre selon ce qui m'intéresse. Et je suis parti très bas. Et à un moment donné, j'ai découvert que l'être humain avait le choix de choisir entre ce qui existait. Et dans ce qui existait, il y avait des choses bonnes pour lui et des choses mauvaises pour lui. Et quand je dis mauvaises pour lui, cela veut simplement dire qu'elle n'était pas adaptée à l'individu. L'individu, toi, tu choisis une chose, c'est bon pour toi. Moi, je te suis, c'est très mauvais pour moi. Et quand j'ai découvert cette trame cosmique et que j'ai pu me rendre compte du drame humain, c'est pas compliqué, c'est que l'être humain fait des choix avec sa psychologie et non pas avec son énergie mentale. L'être humain fait des choix à partir de ses désirs, à partir de son émotivité. Vous achetez une auto non pas parce qu'elle est fonctionnelle, mais parce qu'elle est belle, parce qu'elle va frapper le regard de ceux qui vont passer sur la rue. Vous allez vous habiller non pas parce que cela ne coupe pas la circulation. Au niveau de laine, si vos pantalons sont trop serrés, au niveau des aisselles, si les manches sont trop serrées, alors ça n'a aucune importance. On va aller s'habiller selon l'espèce d'énergie psychologique astrale que l'on va pouvoir émettre autour de soi. Là, on détermine notre vestimentation. On peut avoir froid, mais c'est pas grave, le manteau est beau. Le manteau, il nous couvre pas les cuisses, mais c'est pas grave, c'est saillant, c'est joli, c'est beau, c'est sexy. On marche en talons hauts et on se déforme la cheville, on se déforme les genoux, on se déforme le bassin et la colonne vertébrale. Pendant ce temps-là, d'autres individus font du yoga, font des exercices pour essayer de redresser leur colonne de façon à laisser passer des énergies pour arriver à évoluer. Ben, si les énergies, c'est important, puis la colonne, elle est importante, c'est important qu'elle soit droite pour que l'énergie puisse amener l'individu à se conscientiser, ben, ça me semble qu'il y a une importance à choisir les pneus d'hiver qu'ils font avec l'auto. Vous savez, prenez un véhicule, un 4 roues motrices qui est chaussé avec du 16 pouces de jante, et vous allez mettre des pneus de Béostin qui est chaussé avec du 10 pouces de jante, ben vous allez voir ce que ça va donner comme véhicule. Vous allez user ses différentiels, vous allez user sa direction, mais ça va vous coûter cher d'essence. Prenez un bébé Béostin qui met quelque chose du 10 pouces, mettez-y du 16 pouces, ben vous allez tout gruger vos ailes. Ben, les pneus ne rentreront pas, enfin, tu défonces la masse. Bien, on se chose de la même manière. C'est drôle, c'est comique, puis ça a l'air bien terre à terre, le phénomène, mais c'est très, très important. Et puis l'individu qui est dans un drame, et c'est le drame de l'humanité, celui de vouloir choisir par rapport aux autres et par rapport à ce qu'est l'expression qu'il a de lui-même. L'être humain est triple. L'être humain est ce qu'il est en réalité. Ça, il ne le sait pas. L'être humain est ce qu'il pense qu'il est, et l'être humain est ce que les autres pensent qu'il est. Et l'être humain vit pour les deux derniers, pour ce que les autres pensent qu'il est et pour ce que lui-même pense qu'il est. Jamais pour ce qu'il est. C'est le drame de l'homme. Parce que tout est tracé. Les chemins qui sont pleins de choses pour l'homme, les chemins prévus, les chemins faciles existent. L'être humain, lui, fait un choix. Il dit, celui-là est plus beau. Alors, je rentre dans la porte la plus belle. Et puis, par après, ben, je choisis encore les choses qui vont avec mes goûts. Un jour, vous aimez une chose, le lendemain, vous ne l'aimez pas. Et vous dites, si vous choisissez votre vie, vous orchestrez votre vie à partir de vos goûts. Et vos goûts changent, comme vous changez de chemise. Alors l'orchestration de votre vie ne peut pas vous satisfaire. L'être humain a le choix. L'être humain peut choisir d'être heureux ou d'être malheureux. Et l'être humain choisit d'être heureux, mais avec sa psychologie. Alors je veux être heureux, alors je vais donc aller voler le taux du voisin, puis je vais être heureux avec. Tu vas être malheureux aussi. Parce que le chemin sur lequel tu t'engages est un chemin qui est voué au malheur. Il n'y a pas grand-chose chez l'homme. Pas grand chemin qui réellement sont intelligents. Vous savez, tous les chemins mènent à Rome. Moi, je m'évertue à dire que c'est faux et que tous les chemins mènent au chemin qui mène à Rome. Disons que pour arriver à se conscientiser, pour arriver à augmenter son taux vibratoire, il n'y a pas plusieurs chemins. Non, c'est faux, il y a un chemin. Et toutes les foutues techniques et tous les chemins qui sont autour de ça, qui donnent l'impression à l'homme d'évoluer, ne font qu'amener l'homme à ce chemin. Où l'homme, rendu là, va comprendre que ses techniques ne lui servent plus à rien, que ce qu'il faisait ne sert à rien, que le culte qu'il avait est une foutaise, que les choses organisées pour lui, mais pas par lui, sont des pièges. Et une fois que l'homme a compris ça, que l'homme est libéré, Non pas de la manipulation. L'homme ne peut pas être libéré de manipulation. L'homme n'a pas le choix. Qui ici a un libre arbitre et qui décide un jour d'avoir un accident? Qui ici a un libre arbitre et qui décide un jour d'être malade? À part des personnes complètement stupides, il n'y a personne ici. Mais n'empêche que vous êtes malade, que vous risquez des accidents, que vous avez eu un paquet de phénomènes malheureux dans votre vie. Alors, le libre arbitre, vous le placez aux poubelles et puis là, on peut commencer à travailler. L'homme n'a pas de libre arbitre. C'est-à-dire que l'homme en a un et l'homme en a pas. C'est comme les élections. Prochainement, on va avoir les élections. On va avoir 4 partis ou 5 pour lesquels on va pouvoir voter. Alors, vous êtes libre de voter un de ces 5-là. Pas le 6e, pas le 7e, pas le 8e. Un de ces 5-là. Alors, vous n'avez pas le choix. Vous devez voter pour le moins pire. Pour celui que vous croyez le moins pire. Mais vous avez le choix. C'est pas dictatorial. En ce sens qu'on n'oblige pas l'individu à accepter un régime, mais on l'oblige à accepter un parmi 5 régimes. Alors, dans l'évolution de l'homme, c'est le même phénomène qui se passe. Et ça, l'être humain qui arrive à voir la manipulation finit par s'imaginer qu'il a tout compris. À un moment donné, il faut brasser le derrière de l'homme. L'homme va se faire brasser prochainement par des événements, et ces événements-là, l'homme ne les souhaite pas, mais l'homme les a choisis. L'individu qui décide à un moment donné d'être non-violent, je ne tuerai jamais personne, et qui devient policier, ben, il porte un revolver, il n'a pas le choix. Et ce qui fait qu'un jour, lorsqu'il aura à tirer sur quelqu'un pour sauver sa vie, et s'il le tue, ben, il l'aura tué. Et il dira qu'il n'aura jamais voulu tuer. Ben, c'est faux. Il s'est engagé sur un chemin de la trame cosmique, un chemin qui le voue à porter une arme à feu, un chemin qui le voue à être dans des situations où il aura peut-être besoin de cette arme à feu, un chemin où un jour il découvrira que j'ai pas tué. Non, mais ton collègue s'est fait tuer parce que t'as pas osé tirer. Et si toi t'aurais pas été là et qu'un autre aurait été là, il aurait pu tirer et ton collègue serait encore en vie. T'as pas fait le choix. Mais t'as fait le choix en maudit. Tu roules vite sur l'autoroute, tu choisis pas d'avoir un accident. Mais tu viens d'embarquer sur une trame que tu ne connais pas parce que tu n'es pas conséquentiel dans tes décisions, donc tu n'es pas prescient, mais tu t'en vas, tu ne connais pas l'avenir et tu ne peux connaître l'avenir. Lorsqu'on tire au tarot, qu'est-ce qu'on fait? On fait juste extrapoler sur le chemin que l'individu suit déjà. L'individu est dans un chemin, sur l'autoroute, sur le métropolitain, et moi j'ai pu prévoir avec des cartes ou avec n'importe quel phénomène de voyance que la prochaine sortie, à partir d'où tu es, c'est la Cordère. C'est les Galeries d'Anjou. C'est Saint-Jean-Baptiste. Après ça, on tombe, disons, Repentigny. Je peux prévoir cela. Maintenant, si tu sors à Saint-Jean-Baptiste, ben mon tirage de cartes est plus tout à fait vrai. Mais si je retire aux cartes, je vais te dire que sur Saint-Jean-Baptiste, tu vas avoir Sherbrooke, que tu vas avoir telle rue jusqu'au fleuve. Et que vu que tu changes de chemin, c'est la trame que tu suis à toutes les 3 rues, je peux prévoir que tu vas tourner à telle place et que là encore, il y aura. Mais n'importe quand, l'individu change de chemin puis l'individu change son avenir. L'avenir n'est pas obligé à l'homme. L'homme n'a pas un avenir destiné irrémédiable. L'homme a un choix limité. Dans ce choix limité, il est manipulé. Dans ce choix limité, il n'a pas de libre arbitre. Il est destiné. Mais dans cette destinée, l'homme a le choix. Vous n'avez pas le choix, vous devez vivre jusqu'à votre mort. Suicidez-vous immédiatement, j'avais raison. Vivez 150 ans, j'avais raison. J'ai raison. Mais vous avez le choix, dans ce non-choix, de vivre bien, très bien, mal, très mal. Ça, c'est votre choix. Et dans ce choix, vous êtes encore limité par votre psychologie. Et c'est le drame de l'homme. L'homme n'est pas sur la terre pour souffrir, l'homme est sur la terre pour évoluer. Et quand je dis évoluer, cela veut simplement dire d'admettre une transmission génétique de potentiel humain. Je suis intelligent et je transmets par la génétique, mes enfants sont donc intelligents. Mais sachez bien que l'évolution, elle est totalement contraire à l'hérédité. L'hérédité a fait que tu es devenu un être humain ce que tu es, donc suffisamment raffiné physiquement, avec une prolongation de vie, parce qu'il y a évidemment évolution dans le plan vital, avec une psychologie qui peut avoir, qui peut créer une esthétique encore plus extraordinaire parce qu'il y a évolution dans le plan de l'astral, avec une technologie exemplaire parce qu'il y a évolution dans le plan du mental, c'est une évolution génétique, donc c'est l'hérédité qui te donne cela. Mais tu dois lutter contre l'hérédité. C'est-à-dire que tu dois transformer l'hérédité. Et l'évolution, évidemment, est complètement destructrice de l'hérédité, en ce sens que tu ne transmettras pas à tes enfants ce que tes parents t'ont donné. Tu devras améliorer ce qu'ils t'ont donné pour transmettre autre chose que ce que tes parents t'ont donné. Donc, l'évolution est anti-hérédité. Mais elle est pour l'évolution, évidemment, est transmise dans la génétique par l'hérédité. Mais l'évolution se fait que s'il y a brisure d'hérédité pour améliorer l'hérédité. Donc, on peut dire à ce moment-là que tu élargis les mailles et la toile d'araignée qui te permet de passer. Non. Tu ne peux pas rien faire avec la trame. Par contre, tu peux amener l'être humain à finir par être suffisamment évolué pour pouvoir envisager un peu plus d'espace dans la trame. Au lieu d'avoir un chemin obstrué par le trafic puis sacré parce qu'il n'y a pas d'autres chemins pour passer, ben, il finit par se rendre compte que d'autres chemins qui sont peut-être moins obstrués et l'individu finit par pouvoir prendre d'autres chemins. Pourquoi élargir la trame? Dans la trame, il y a le bien, dans la trame, il y a l'homme, donc dans la trame, il y a la facilité, et il y a l'homme, il y a le bien et le mal. Pourquoi élargir entre le bien et le mal lorsque l'homme n'aurait qu'à choisir le chemin où il devrait passer? L'évolution de la psychologie de l'homme, l'évolution de l'astral humain, l'évolution du drame humain, c'est que l'homme finit par croire qu'il pourrait, à un moment donné, manipuler cette trame, manipuler la destinée. Et en réalité, tu ne manipules pas la destinée. Tu ne fais que manipuler le drame de l'homme, tu ne fais que te donner l'impression. Dans une région où il y a famine, on finit par manipuler la trame cosmique, on a l'impression, et on finit par avoir du blé, par avoir des choses extraordinaires. On a eu des pays qui étaient sous-développés. Sous-développer par rapport à un pays industrialisé, mais un pays qui ne connaissait pas la pauvreté. À un moment donné, on a découvert la richesse de ce pays-là et on a décidé de le rendre riche. Alors, le coton poussait bien dans ce pays-là. Alors, pourquoi le pays n'aurait pas des récoltes de coton monstrueuses? Pourquoi il ne l'exporterait pas à l'extérieur et il pourrait finir par devenir riche? Alors, on a décidé, on est allé voir les paysans pour leur inventer l'idée. Alors, le paysan, au lieu de cultiver du blé, du riz et de la nourriture, il s'est mis à cultiver du coton. Et il a eu de l'argent pour acheter quoi? Rien. Parce qu'on a cultivé que du coton dans le pays, puis il n'y a plus de nourriture. Et ceux qui étaient suffisamment organisés sont devenus suffisamment riches parce que eux autres payaient, ceux qui payaient les personnes qui avaient les champs. Et eux autres importaient la nourriture des États-Unis, du Canada, de la France, de l'Angleterre, de l'Australie, pour se nourrir pendant qu'ils exportaient le coton dans ces pays-là. Et le pays non industrialisé, le pays non pauvre, est devenu riche alors que toute la population devenait pauvre. L'homme a voulu manipuler sa psychologie géniale, a pensé régler un problème et il en a créé un immense qui ne peut plus être réglé. Comment régler le problème des pays exportateurs de coton, de soie ou de maison? Comment? Ben, c'est simple. Tout ce qui est cotonneux chez vous, on n'en achète plus. Tout ce qui est pétrole importé, on n'en achète plus. Tout ce qui vient de l'extérieur, on ne touche plus. On va acheter leur blé à la place. Ben, là, ils vont commencer à cultiver du blé. Puis quand ils vont suffisamment cultiver du blé, on va arrêter d'acheter leur blé, puis on va cultiver, on en a en masse de blé, nous autres. Et là, tous les pays vont être riches, mais vous aurez plus de coton, vous aurez plus de belles autos, vous aurez plus autant d'électricité, vous aurez plus autant de confort, mais tout le monde va avoir la même chose. Hein? Vous n'êtes pas prêts à ça? Ils vont rester pauvres. C'est évident. C'est pas en leur envoyant de l'argent qu'on les rend riches. Ils peuvent pas, ils ont rien. À l'époque où l'individu, dans ces régions-là, où les Autochtones arrivaient à pouvoir se construire une case, qui durait 12 ou 15 ans en chaume, et la pluie ne pouvait pas le traverser quand il pleuvait, ben ils étaient pauvres, couchés dans des hamacs. Aujourd'hui, ils sont riches. Leurs toits sont en tôle, troués, avec écrit dessus, McDonald's. C'est un vieux restaurant qu'ils ont détruit, avec écrit dessus « Force militaire mexicaine », avec tout rouillé, tout percé, avec des morceaux de bois. Ils peuvent plus faire des maisons en chaume parce qu'on a abattu les palmiers pour pouvoir planter des IVA, comme en Amazonie. Et là, on a du caoutchouc. Le pays est riche, mais le paysan n'est plus paysan. Il cultive du caoutchouc. Et essayez de vous nourrir avec du caoutchouc, vous allez voir, vous allez devenir petit et maigre. Humain, ce n'est pas nécessairement votre drame. Il est aussi votre drame parce que dans la trame qui est limitée à, disons, au choix des individus seuls et non pas une collectivité nationale, ben, vous avez le choix à un moment donné de descendre un escalier sans l'avoir pelleté, de glisser en bas, vous fracturer le bassin. Bon, vous n'avez pas choisi ça, c'est évident. Vous n'avez pas pelleté votre escalier non plus parce que vous avez choisi que vous n'auriez pas à le faire et que vous n'auriez pas non plus de chute. C'est pas vous autres qui allez déterminer ça. Regardez avec quel plus on a échauffé le véhicule. Et à partir du véhicule vital, physique, psychologique et mental, donc de vos connaissances intellectuelles, ben, pensez sur les chemins qui sont adéquats à ce véhicule-là. Le drame de l'homme, c'est le drame dans les autres pays, le drame humain. Mais lorsque les autres pays font la guerre et qu'on augmente le prix du pétrole ici parce que les sans-dessins en Arabie se battent, au lieu de, je sais pas quoi moi, de prier pour nous, ben, on n'a plus de pétrole et on augmente le prix du pétrole. Le drame humain commence à s'étendre ici. Et savez-vous pourquoi on risque une apocalypse? Parce que le drame du Vietnam, qui ne nous touche pas du tout, est un point stratégique pour les Américains ou pour l'URSS. Cuba est un point stratégique, les Philippines sont des points stratégiques, le pétrole d'Arabie. Vous savez, tous les drames qui ne nous touchent pas peuvent nous envoyer des bombes nucléaires sur la tête. L'homme change des choses avec sa psychologie, il règle des problèmes et il meurt. Et puis vous autres, vous venez au monde et vous vivez. Et les personnes âgées, ils disent qu'ils vont être morts avant que ça arrive. Mais vous autres, vous vivez. Vos enfants vont vivre. Et les personnes âgées qui meurent avant les conflits ou avant le drame même de leur société vont renaître dans ces sociétés-là ou dans les vestiges de ces sociétés-là. Le drame de l'homme, il est partout. La trame cosmique, elle est là. L'homme a le choix. Et au lieu de choisir intelligemment, il choisit émotivement. On décide d'enterrer les déchets nucléaires parce que ça règle le problème. Puis avant que les récipients pourrissent, c'est dans 50 ans. J'ai 50 ans. Je pense pas vivre jusqu'à 100 ans. Et puis on aura trouvé des technologies dans 30 ans, 40 ans pour pouvoir déterrer ça, puis pour pouvoir tout régler. Bon, parfait. Mais il se trouve que dans 30 ans, on n'a aucune idée de ce qui va se passer, ce qui fait que 30 ans après, on a des problèmes radioactifs dans des régions. Combien de fois vous avez essayé de ne pas jeter de papier sur la montagne, bon, sur le Mont-Royal, ou dans la nature, ou sur le bord d'une voie publique, ou dans un arrêt sur l'autoroute, ou des choses, enfin, combien de fois que vous avez décidé de les mettre dans vos poches pour les mettre dans une poubelle? Et combien de fois par après vous en avez jeté quand même? Un jour, le fait de « Ah, c'est un verre, on jette pas, on le garde, on le met dans une poubelle, puis le lendemain matin, ben ou quelques temps après, ben en fin de compte, ah, puis merde. Ça crée de l'emploi. Bon, tu mets dans la rue. » L'homme choisit sur la trame avec sa psychologie. Psychologie qui est continuellement changeante parce qu'il suffit simplement à votre maison brûle pour vous mettre sans dessus-dessous. Il suffit que vous perdiez un auto ou un membre de votre famille pour tout vous bouleverser. Et l'être humain fragile, Fragile, mais fragile. Prenez ces deux verres en plastique. Vous les voyez? Je suis sûr que si je mets de l'eau dans celui-là, l'eau coulera pas à travers. Parce que je n'ai brisé un à côté. L'homme est plus fragile que ça. Parce que si on tue quelqu'un ici, il n'y a plus personne ici qui est apte à continuer à fonctionner. On boira pas grand soir, Daniel? Non, j'ai pris le tien. Daniel, tu peux revenir en arrière un petit peu? Ou tu as mieux continuer? OK. Là, il y a un piège dans la toile d'araignée là, que j'essaye de voir. C'est que finalement, moi, j'avais l'idée que pour chaque corps, mettons, chacun de nos corps, on avait une toile d'araignée avec un araignée qui est le manipulateur, si tu veux. OK? Puis plus on avançait dans la subtilité des corps, plus les mailles étaient grandes, puis plus il y avait moyen de passer au travers. Puis c'était subtil, finalement. Je t'arrête immédiatement parce que l'araignée n'est pas le manipulateur et il n'y a pas de manipulateur qui manipule l'homme. L'homme est manipulé, mais il n'y a pas de manipulateur. Et ça, l'homme ne peut pas le comprendre. Mais l'homme est manipulé et il n'y a pas de manipulateur. La journée que vous vous rendez compte qu'il y a un gros bouton qui pousse sur votre visage ou sur votre nez, vous avez des réactions à l'intérieur. Donc, vous êtes manipulé. Mais qui vous manipule sinon vous-même? S'il y avait un manipulateur à l'extérieur, on pourrait se mettre ensemble et le détruire. Et c'est ce que l'homme fait. L'homme psychologique choisit les trames qui détruisent. Les Russes te font peur, attaquons les Russes, tuons-les toutes, on n'a plus peur. Tu as besoin de pétrole, tu risques d'en manquer, on te garoche toutes les stations-service avec des récipients, puis on remplit tout, puis on amène ça chez nous, puis on amène la valise. On règle. Il y a un ton qui rentre dans ton auto, tu sors ton journal, ta revue, puis sors, tu tues le ton. T'auras plus peur. Au cas qu'il te piquerait. Mais s'il te piquerait pas, non, mais s'il me pique, flore. Tu règles le problème, tu détruis. L'homme psychologique choisit toujours une trame de destruction. Mais le drame de l'homme, c'est que toi, tu choisis une trame de destruction, et l'homme choisit une trame de destruction, et 4 800 000 000 d'individus choisissent des trames de destruction. Faut que pas, à un moment donné, il y a deux individus qui arrivent face à face qui doivent détruire. Et quand ces deux pays ont détruit autant, l'homme choisit toujours ce phénomène-là. On ne peut pas détruire le manipulateur et on ne doit pas s'évertuer à trouver le manipulateur. Qu'il existe ou qu'il n'existe pas, on s'en fout. Parce que si moi je prends une corde et que je manipule une poupée, je suis le manipulateur. Mais la poupée n'a pas besoin de me détruire pour cesser d'être manipulée. Elle n'a que à se détacher de la corde. Et le manipulateur reste là, mais il ne peut plus manipuler. Les trames sont déjà là et l'araignée n'est pas le manipulateur. Elle est celle qui tisse la trame. Et c'est différent. Si on regarde une araignée, il y a une partie, je veux dire, secrète, une substance visqueuse qui colle sa proie, si tu veux, OK? L'homme, donc, il est comme... mettons que c'est une espèce de magnétisme qui entoure l'homme. L'homme, en fait, la seule erreur qu'il fait, c'est à chaque fois qu'il fait un faux choix... Tu dis qu'il se dirige vers l'araignée? Il fait, c'est qu'il fait un choix. OK. Et quand l'homme fait un choix, la vérité est perdue. L'homme, de base, ne sait pas. Il ne connaît pas l'avenir, il ne sait rien de l'avenir. D'ailleurs, l'avenir n'existe pas. La trame, elle est là et tout est déjà là. Maintenant, l'homme essaie de bâtir un futur. Donc, il essaie de déterminer une trame dans l'avenir et il essaie, après ça, de se tenir à cette trame. Je bâtis mon avenir, je prépare mes vieux jours, je fais ci, je fais ça, je prévois un peu mon avenir. Et tant que ma prévision d'avenir, mon orchestration de mon avenir va avec la trame qui est là, j'ai raison. Mais l'homme prévoit à partir de sa psychologie et l'homme essaie de prévoir un avenir pour lui qui ne cadre pas nécessairement avec la trame cosmique, ce qui fait que l'individu continuellement essaie de se tenir à ce qu'il a décidé, mais il ne peut pas se tenir à ça, parce que cela n'existe pas. Ce que l'homme a fait comme choix n'existe pas dans la réalité même de l'avenir. Donc, l'individu est continuellement sujet à la souffrance, il est continuellement sujet à devoir lutter et à devoir transformer la trame psychologique de l'avenir qu'il s'impose, parce que l'homme se l'impose. Et l'homme se manipule en ce sens que l'homme n'a pas de choix à faire. Il y a un chemin facile et l'homme décide de passer par là. Parce que l'homme ne connaît pas l'avenir, l'homme ne voit pas l'aboutissement du chemin et l'homme décide de choisir. Et l'homme choisit simplement de marcher sur les routes secondaires, sur les routes à côté, qui, de toute façon, si tu les parcours toutes, mènent à l'autoroute. Mais tu peux les parcourir des millions d'années comme tu peux revenir immédiatement. L'homme, de prime abord, a un chemin facile, simple. Mais l'homme fait des choix. Et l'homme qui fait des choix est l'homme psychologique. C'est la psychologie qui fait des choix. La psychologie qui est incertaine et la psychologie qui désire. Combien de choix réels avez-vous fait pour déterminer votre évolution ou pour déterminer votre acceptation à la connaissance par rapport au nombre de choix que vous avez fait pour être confortable, être beau ou belle? Regarde. Et l'homme fait des choix. Et à travers le fait d'être beau, tu t'imagines que tu vas être mieux. Mais veux pas, tu vas devenir différent. Tu peux te trouver laid, laide ou beau, belle, en vieillissant. Quelle que soit la chose que l'homme essaie d'avoir pour pouvoir régler le problème de sa sécurité ou de son bonheur ou de son évolution dans l'immédiat, c'est toujours détruit parce que ce n'est pas bâti à partir d'une trame qui existe déjà. Et ces trames existent déjà. Si on regarde simplement l'évolution de l'homme, l'évolution des nations, l'évolution des drapeaux, l'évolution des guerres, l'évolution des inventions, l'évolution des compagnies, l'évolution des partis. On a eu des militants à un moment donné dans un parti qui militait et c'était extraordinaire. Le monde avait un leitmotiv et tout le monde y allait. Et si on regarde présentement le nombre de militants dans ce même parti, on n'en a presque plus. Tu as toujours des choses dans le genre. Et l'individu qui monte est sur une trame. Et l'individu qui veut continuer à monter ou rester là quand la trame diminue, perd tout pareil. Il n'a pas le choix. L'individu qui est là et qui change complètement d'orientation pour prendre une autre trame qui continue à monter, ne perd jamais. Mais l'individu s'attache. L'individu, donc, choisit de par sa psychologie d'essayer de manipuler la trame. C'est un peu comme l'ascenseur que tu parlais la semaine dernière. Il faut savoir quand débarquer. Mais on peut-tu dire qu'il y a d'autres trames qu'une trame psychologique? Il n'y a que trame réelle, la trame cosmique, ce qu'on appelle le plan divin. Et cette trame, elle est faite en fonction d'amener des êtres humains contre leur gré à vivre en paix, contre leur gré à évoluer. L'homme n'a pas le choix d'évoluer. L'homme n'a aucun choix. Cette trame, elle est là. Maintenant, ce qui arrive, c'est que tu as une espèce d'autoroute qui est rapide. Et pour maintenir l'autoroute, il y a un paquet de vibrations qui diminuent en rapidité, donc qui évoluent, et qui viennent se poser sur un support dense, matériel. Plus les vibrations diminuent, plus il y a matière, jusqu'à temps qu'il y ait matière solide. L'individu a le choix d'être en haut sur l'autoroute ou de circuler sur toutes les formes de vibrations qui maintiennent l'autoroute. L'individu ne veut pas connaître Dieu. L'individu préfère vivre sur les chemins qui maintiennent Dieu. Alors, au lieu d'être celui qui est en contact avec une divinité, la masse préfère être celui qui est en contact avec celui qui est en contact avec celui qui est en contact avec la divinité. Et si par hasard, dans la collectivité que tu connais, un individu devient en contact, tu le crois pas puis tu le refuses. Certains autres individus vont décider d'être en contact eux-mêmes. De cette façon, ils sont capables de bâtir la trame. Ils vont faire des choses que Dieu ne peut pas faire, au nom de Dieu. On l'a déjà vu de toute façon, c'est souvent en conférence. Hein? Il y a un moment donné où tu vas vouloir imposer à Dieu, tu vas faire un sacrifice humain, tu vas faire tel genre de sacrifice, tu vas faire tel genre de prière, tu vas dire dans tes prières que ça fait 20 fois que tu pardonnes à ceux qui t'ont offensé, alors tu devrais maintenant mériter d'avoir, etc. Mais la trame humaine, elle continue. Tu sais, il y a eu une explosion à Hiroshima. La planète Mars a continué à tourner. Puis l'individu qui était son bol de toilette ailleurs, il a continué à faire ce qu'il avait à faire. C'est pas parce qu'à Nagasaki ou à Hiroshima, on avait des milliers d'individus qui étaient brûlés par la radioactivité, que ça l'a changé de quoi? Dans les régions qui n'étaient pas touchées. La trame, elle est ce qu'elle est. L'individu ne peut rien y changer. Mais l'individu, et c'est l'important. Vous voulez un libre arbitre? Vous en avez un. Mais c'est pas celui-là que vous voulez. Alors, on le prend pas. C'est le choix d'être heureux ou malheureux. Ce n'est pas un choix psychologique. C'est un choix de vie. Donc, vous exprimez, vous donnez dans l'efficacité votre choix. Pas un choix psychologique. Alors, un choix, choisis d'être heureux. Et mon char, il est toujours en panne dans la rue. Oui, c'est évident. mais tu es déjà en train de chialer. Tu choisis toujours d'être malheureux et tu n'exprimes rien d'autre. Le choix d'être heureux, ça veut dire simplement de construire, de changer de chemin et donc de circuler encore sur un chemin mauvais pour se diriger vers un chemin de plus en plus, disons, carrossable. Et lentement, ta situation s'améliore, elle s'améliore, elle s'améliore et tout va de mieux en mieux. Mais ce n'est pas parce que l'individu fait un choix psychologique que tout s'en trouve transformé. Les individus qui ont gagné à la loterie avaient souhaité gagner autant que les autres individus, que la majorité. Sans rare en Christie, celui qui veut, qui suicide s'il ne gagne pas, il va se suicider. La trame, elle est ce qu'elle est. Et tu, à un moment donné, tu vas embarquer dedans le chemin que tu as choisi. Tu vas sur un chemin, tu embarques dans un chemin dangereux, tu choisis un chemin dangereux et tu auras à subir les conséquences du chemin dangereux. Parce que tu es sur un chemin plein de trous et tes roues auront à passer dans les trous. Si tu prends un chemin plus facile, c'est un choix à faire. Mais si vous êtes déjà dans un chemin dangereux et vous décidez de prendre un chemin facile, ben vous allez devoir arriver à l'intersection avant de commencer à changer. Vous êtes endetté, vous décidez d'économiser, de plus être endetté. Ben oui, mais vous allez devoir vous rendre à la première intersection sur le chemin des dettes où vous allez pouvoir changer. Une fois qu'on a changé, on n'est pas riche. Maintenant, on doit se diriger jusqu'au chemin de la richesse. Sans être impatient. Parce que si on est impatient, on aurait fait un choix psychologique, puis on décide que ce chemin-là doit être le bon, on va virer sur celui-là. Tu revires dessus, tu remontes encore dans le même chemin qu'avant. L'impatience, c'est la mère qui décide, qui fait croire à l'homme qu'il peut se bâtir une trame. Tu sais, faire une projection, essayer de créer un avenir, c'est simplement en réalité voir où est l'avenir et te dire, bon, ben j'arrive à l'intersection. Fait que tu continues et paf, tu arrives à l'intersection et c'est un fait. Et lorsque ta projection, elle est basée sur un phénomène très psychologique où il n'y a pas de discernement mental dans ta projection, ben tu vois, ah, tu vas bien aller, puis t'arrives, puis tu vas toujours mal. L'individu qui décide de faire un choix intelligent, un choix où il ira vers la facilité, je parle pas du bonheur, parce que le bonheur, c'est collé, le malheur lui colle aux fesses. Parlons de facilité, parce que la vie, c'est facile. L'évolution, c'est facile. Mais l'individu qui fait des choix, qui décide quand Dieu doit venir lui parler, puis quand lui n'est pas disposé à l'écouter, ben l'évolution est difficile. Tu vois? Alors, au lieu de sortir dehors pour apprendre une expérience, t'es occupé à boire. Ben alors, bois. L'expérience se passe. Au lieu de faire 1 million de choses, tu as choisi de faire d'autres choses. Fais-le. L'individu qui décide d'aller quelque part, même s'il fait froid, ou même s'il fait chaud, fait un choix. Et la facilité, ce n'est pas une facilité psychologique, c'est une facilité d'efficacité. Vous arrivez à des résultats plus rapidement et plus vos résultats sont plus efficaces. Donc, en gros, votre évolution est plus facile. Mais le chemin, ben, s'il y a une pente, vous la montez, la pente. Si vous préférez prendre le chemin qui descend et rendu en bas, c'est plein de trous, ben, vous êtes en bas. Évidemment, pour remonter, vous allez devoir remonter le chemin plein de trous et après ça, remonter le chemin en pente que normalement, vous auriez dû monter immédiatement. L'individu doit faire des efforts, mais ces efforts se trouvent couronnés de succès, ce qui fait que tout devient facile et à un moment donné, tout roule tout seul. Si l'individu ne fait pas de choix. Ne pas faire de choix, évidemment, ce n'est pas le fait. Présentement, dans l'état actuel des choses, l'individu doit faire des choix, il est dans un monde de choix. Il est dans un paquet de routes secondaires où il doit se démerder. Quand tu es sur l'autoroute, c'est plus de choix, va-t'en. Mais en attendant, personne n'est sur l'autoroute. Alors, ce qui fait que les individus sont obligés de faire des choix et ils doivent non pas faire un choix à partir d'un contexte psychologique de désir, mais à partir d'un contexte d'efficacité. Je veux être riche, parfait. Prends les moyens pour être riche. Je veux être en santé, parfait. Prends les moyens pour être en santé. Change de chemin. Et prends les moyens pour le faire, mais tu as le choix d'être en santé ou non. L'individu qui naît infirme, par rapport à lui-même, t'as pas fait de santé. C'est nous autres qui essayons de le convaincre qu'il est pas correct. C'est nous autres qui allons nous apitoyer sur son sort, pas capable de s'occuper de nous autres, on va essayer de s'occuper de l'autre. C'est nous autres qui allons lui enseigner comment être un débile puis comment être un handicapé. C'est nous autres qui allons prononcer le mot handicapé non pas les handicapés, mais les handicapés. Nous allons handicaper la langue même pour leur parler. De toute façon, à ce qu'ils sachent bien qu'ils le sont. Nous allons nommer transport adapté. Nous allons faire un paquet de phénomènes pour bien faire comprendre à l'individu qu'on est humain, qu'on est respectueux et qu'on l'aime, et etc. Nous, on s'en balance comme l'an 40. L'important, c'est ce que j'ai l'impression d'être. On l'écrase pour faire quelque chose pour soi. Oui. Mais l'individu qui n'a pas de jambe, il n'a pas de jambe. Qui ici a trois bras? Vous êtes vachement handicapé. Mais vu que personne n'a trois bras, personne s'en plaint. Qui ici a une dextérité manuelle pour jouer du piano? Pas tout le monde. Donc, vous êtes tous handicapés. Mais vu que on a décidé dans la société que c'était pas nécessairement une chose primordiale de pouvoir jouer du piano, ben on se trouve pas être handicapé. Et vous avez raison. Ça dépend de ce qu'on a là. Alors parlez-moi pas des handicaps de naissance. L'individu qui naît syphilitique en naissant, c'est que sa mère avait la syphilis. Et on a donc des torts presque génétiques de la syphilis. On a donc des torts de naissance. Ces individus-là, de toute façon, on va y revenir sur une conférence qui est l'évolution des handicapés, et non pas des handicapés, mais ça regarde même pas le choix. Et l'individu qui naît en Éthiopie a choisi de naître en Éthiopie. L'individu qui naît ici a choisi de naître ici. Et si vous choisissez d'essayer de spéculer, de philosopher sur l'individu qui est né au Bangladesh, c'est votre choix. Vous n'arriverez à rien. Absolument rien. L'individu qui décide d'essayer de voler pour être riche n'arrive à rien non plus, il prend un chemin dangereux. Vous avez le choix, et c'est un choix qui ne se fait pas psychologiquement, c'est un choix qui se fait intelligemment vers l'efficacité. Et l'efficacité, ce n'est pas là-dedans, c'est dans l'expression dans la matière. Il n'y a que la matière qui donne la preuve de l'expression d'une énergie supérieure. Et comme énergie supérieure, l'énergie de l'intellect, l'énergie de l'astral, esthétique, l'énergie de l'astral émotif peut être une énergie supérieure, l'énergie d'un vital en parfaite santé, l'énergie d'une expression physique. Faire un choix intelligent, c'est simplement de choisir un chemin qui amène à l'efficacité. Vous voulez avoir plus d'argent pour vous permettre d'assister à plus de conférences, pour vous permettre d'ouvrir une école, pour vous permettre d'acheter des livres, pour vous permettre de voyager pour découvrir d'autres formes d'énergie tellurique, d'autres formes d'énergie psychologique, ben c'est ça l'évolution de l'homme. Vous devez d'être riche. Et ne pas dépenser, c'est pas d'être riche. Vous voyagez, vous amenez pas vos enfants. Et moi, vous dites, soyez plus riche, puis amenez vos enfants. Ça a l'air facile à dire. Non, c'est extrêmement facile à dire. C'est facile à faire aussi. Il faut prendre un choix. Un choix. L'individu qui est riche ne vit jamais en haut de ses moyens. Même s'il emprunte pour pouvoir se donner l'impression qu'il est riche, il ne vit pas en haut de ses moyens. Parce qu'il sait ce qu'il fait. Il crée une énergie pour pouvoir attirer une énergie. L'individu qui est pauvre, qui n'est pas riche et qui veut vivre en riche, vit au-dessus de ses moyens, même s'il n'emprunte pas. C'est un choix intelligent qui ne se fait pas par la psychologie. Vous voulez être riche parce que vous allez être en paix, parce que, bon ben là, je suis tout, essayez pas d'être riche, je vais tout vous fourrer. Vous allez vous gourer. Vous allez perdre. Y a-t-il une raison intelligente qui vous amène à être riche? Oui, intelligent, pas émotif. Là, c'est le temps de faire un choix. Y a-t-il une raison intelligente qui vous dit d'avoir un enfant? Pas émotif. Pas parce que vous manquez d'affection. Si vous voulez en donner, c'est parce que vous en manquez. Y a-t-il une raison intelligente? Oui, c'est le temps de faire un choix. Y a-t-il une raison intelligente de vous marier? Pas psychologique. S'il y en a une, faites un choix. Y a-t-il une raison intelligente d'acheter un livre dans une librairie? Oui. Pensez pas à l'argent. Une raison intelligente, faites un choix. Daniel, l'individu qui investit dans un éther, qui emprunte de l'argent comme ça, puis qui le fait intelligemment, est-ce que en investissant dans un éther, il investit dans la trame? Si c'est intelligent, il s'arrange pour changer de chemin. Maintenant, c'est évident que si tu veux spéculer sur des possibilités tramiques, disons, des possibilités d'avenir, il y a un danger. L'individu qui fait un choix doit commencer par étudier dans le présent ce que le choix va lui amener. Tu achètes un livre, tu dis, ah, si je lis ça à 100 pages, est-ce que ça va me transformer de fond en comble? C'est tout à fait psychologique, c'est une spéculation tramique, une spéculation dans l'avenir. Mais si tu te dis, j'achète ce livre-là, il y a des chances que je comprenne de quoi avec, j'ai besoin de me transformer, j'ai besoin de comprendre, le livre a des possibilités de me transformer. Laisse faire le coup. Achète. Si le livre ne te transforme pas, tu n'es pas déçu. Tu n'as pas spéculé, tu n'as pas décidé qu'il était pour te transformer, vous ne veux pas. Tu te connais, intelligemment, tu fais un choix. Tu as besoin d'un moyen de transport, achète un auto, si c'est intelligent. Tu n'en as pas besoin, tu en veux un pareil, ben là, réfléchis. Alors, vous pouvez faire un choix psychologique qui, par hasard, est sur la trame, alors il n'y aura aucun danger. Oui, mais disons que le nombre de choix que l'humain fait n'est pas sur la trame, il est dans une trame spéculative, une trame que lui-même essaie de déterminer, et il essaie de s'obliger à suivre une trame psychologique qui n'existe pas, qu'il se pose lui-même. Alors, on a déjà assez d'être manipulé sur une trame qui est déjà là. Vous savez, le chauffeur de la locomotive suit une voie ferrée. Et, rendu aux aiguillages, cela dépend évidemment de celui qui va manipuler les manettes. En attendant, il suit la voie ferrée. Et il se dit, je m'en vais à Moscou. Puis, je souffre, c'est pas là que je vais aller, c'est ici, c'est ça. Alors, à un moment donné, il décide d'arrêter le chemin, de couper la voie ferrée, de la tordre, puis là, il fait un choix. Alors, il s'en va plus à Moscou. Mais le train renverse, c'est pas long, puis les wagons se rentrent un dans l'autre, et puis ça finit là. Mais l'individu a fait un choix. L'individu s'est prouvé que Dieu le manipulait pas. Jusqu'à temps qu'il finisse par arrêter de marcher à pied, puis de boussole, sans savoir où ce qu'il va, ou jusqu'à temps qu'après 3000 ans de marche, il se rende compte qu'il arrive dans une ville extraordinaire, qu'il se met à courir, puis là, il veut savoir, puis c'est Moscou. Bon. Mais l'individu, Daniel, on voit là que ça se dessine que la trame, en fait, elle est inchangeable pratiquement. Elle n'est pas inchangeable pratiquement, elle est totalement inchangeable. Bon. Et l'homme peut choisir un bon chemin d'un mauvais chemin, mais l'homme ne peut pas prendre un mauvais chemin pour le transformer en bon chemin. Ça serait une perte d'énergie totale parce que le bon chemin existe. Il existe déjà. Eh oui. Mais est-ce que présentement, il y a des. Ben, présentement ou dans le passé, est-ce qu'il y a des êtres qui se sont échappés de cette trame-là? Il n'y a aucun être qui s'est échappé de la trame. Par contre, il y a certains êtres, on en a quelques-uns ici, qui ont réussi à étendre leur échelle de conscience, donc à devenir prescients, à se conscientiser. Oui, ils ont pu voir une grande étendue de la trame, c'est-à-dire qu'ils ont fini par connaître le plan divin. Ils ont connu la trame. Et de ce fait, ils ont pu voir où était l'humanité, dans quelle trame, dans quel chemin elle fonctionnait, où ils devaient s'en aller, pour qu'ils puissent fonctionner au maximum de son évolution vibratoire. Et ces individus-là, de cette façon, ont échappé à la manipulation sans manipulateur, à la manipulation de la psychologie de l'astral planétaire sur l'astral de l'homme. Et ils ont pu s'échapper de la manipulation, mais non pas de la manipulation tramique. Ils ont vu l'intelligence du chemin. Toi, tu as de l'eczéma. T'en as plein sur le visage et sur le corps. Et toi, tu décides, et c'est ce que l'homme fait. Ça a l'air poussé, mais merde, pensez à ça et vous allez voir que c'est ce que vous faites. Alors moi, je m'en vais dans un hôpital, je paye 3 milliards de dollars pour qu'on opère, fasse une opération sur moi pour me guérir de mon eczéma. Alors, l'hôpital s'en va dans la rue, trouve un individu qui n'a pas d'eczéma, parfaite santé, on le tue, on l'amène, on lui ôte le cerveau, on prend le tien, on le met dans, on referme tout, et voilà, tu as maintenant un corps en parfaite santé. C'est ce que l'homme veut faire. L'homme veut prendre une trame mauvaise pour la transformer en une trame bonne, quand il existe déjà une trame bonne à côté. Au lieu de prendre des médicaments, te guérir, ou si tu as mieux, changer de chemin, t'en aller dans la bonne trame, tu peux faire, prendre, oublier ce corps-là, puis te transformer toi, prendre ton cerveau pour essayer de t'embarquer dans un individu qui est en parfaite santé. Puis tu vois la complication que ça donne, la perte de temps, la perte d'énergie, et d'ailleurs c'est impossible dans l'état actuel des choses parce qu'on n'a pas suffisamment de potentiel médical et technique. Pourquoi essayer de prendre un chemin mauvais et de tout le transformer en un bon chemin quand il existe déjà à côté? Tout ce que tu as à faire, c'est de prendre un autre chemin puis y aller vers. Alors, l'énergie ne se gaspille pas. L'homme ne gaspille que son énergie, mais l'homme ne gaspille pas l'énergie de la trame. Alors, il y a un bon chemin, il y a un mauvais chemin. Tu es dans le mauvais chemin, essaie pas de transformer tout l'univers en bon chemin. Présentement, il y a des individus qui souffrent. Les médecins savent que 80% des patients veulent être malades. Ils ont besoin d'attention, d'affection, et ce sont des formes d'expressivité de plusieurs choses. Alors, les individus veulent être malades. Pourquoi perdre de l'énergie à vouloir à faire en sorte qu'ils soient en santé? Ils ne le veulent pas. Ils veulent des médicaments. La trame, elle est mauvaise. T'es dedans, celui-là. Tu veux changer, change. Chose qui est sûre, c'est que il y a des millions de chemins et il n'y a pas beaucoup d'individus qui se trouvent être sur le même chemin en même temps. Présentement, ce soir, on est tous dans un carrefour tramique et on est tous ensemble réunis. L'individu qui est dehors a pris un autre chemin. Et lorsque vous allez vous éparpiller, on retourne tous sur d'autres chemins. La trame, elle est complexe. Mais on peut prendre des choix